Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude. Et on plonge dans la sphère du 9e art. Et quand on arrive autour du Festival Québec BD, vous le savez, si vous êtes des auditeurs réguliers de nos quelques 8 précédentes saisons, eh ben on se met en mode spectacle, en mode événement. Il y a quand même un foisonnement d'activités là qu'on a l'occasion de découvrir au fil de la semaine. Ces activités du Festival Québec BD, ça commence essentiellement ce soir, là, vers 18h, c'est le lancement des 5 lieux les plus hantés du Québec. Ensuite, ça s'enchaîne avec Ancré dentelle demain, avec une sieste dessinée, des sketch de danse dimanche, avec des rencontres d'auteurs hors de l'ordinaire lundi et mardi, avec les rendez-vous de la BD mercredi, avec un soirée vert et dessin le jeudi, avec de l'impro BD le vendredi, avec une soirée festive et une journée pleine d'activités le samedi et le dimanche également. Plein de choses. Sincèrement, j'ai l'impression que c'est toujours un peu un marathon. Et si on est un amateur de BD et qu'on a envie de vivre le festival, eh bien, il faut mentalement se préparer aussi à ce marathon-là pour véritablement s'y plonger. Et ça, c'est seulement le volet spectacle. À ça, on ajoute les expositions. Il y en a près d'une trentaine encore cette année. À ça, on ajoute les auteurs. Il y en a près de 120 qu'on peut aller rencontrer cette année. Donc, c'est vraiment, quand je dis foisonnement, ben, le terme, il est bien choisi. Il est de mise. Alors évidemment, dans le contexte de La Vie en BD, le défi c'est toujours de trouver de quoi parler et qu'est-ce qu'on ne vous a pas nécessairement mis suffisamment à jour en termes d'éléments, en termes de types de propositions. Alors on aimerait bien vous parler par exemple de l'impro BD du vendredi 12 avril 20h, mais c'est quand même un sujet qu'on a traité dans les belles années de la Ligue québécoise d'impro BD. Alors j'aurais envie de dire, ben c'est des sujets qu'il fallait plonger et découvrir dans nos archives. Alors, on a plutôt été chercher différentes nouveautés, différents éléments qu'on n'a pas encore eu tant que ça l'occasion d'explorer, et c'est ce qu'on va faire cette semaine. Alors, notamment, en fin d'émission, ben, Michel Giguère sera avec nous pour nous parler d'Edmond Beaudoin, qui est un des invités de marque de l'événement, un auteur incontournable de la BD Underground, de la BD alternative en France, un auteur qui a inspiré la création de l'association, entre autres éléments. Alors, c'est un privilège de l'avoir ici à Québec. Alors, ben, Michel va nous en parler parce que lui va le rencontrer devant public mercredi prochain. Alors ça, ce sera à la fin de l'émission. On aura également Élodie Cuneau, une metteur en scène qui a choisi de mettre en lecture Motel Galactique, donc de Francis Dernay et Pierre Bouchard. Alors, on avait envie de savoir comment ça se passe. Alors elle sera avec nous en studio en deuxième moitié d'émission. Tout à l'heure, en fait, il y a Richard Valrand qui, avec Paul Bordelot, travaille avec Millimétrique pour faire un concert dessiné, un spectacle dessiné le samedi soir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Alors il sera avec nous également pour jaser comment il s'en est inspiré de la musique de Millimétrique. Alors, on va découvrir tout ça tout à l'heure. Et également, eh ben il y a les Sketchers de Québec qui s'associent à Québec BD pour diverses activités et entre autres, demain soir, un spectacle qui s'appelle Encre et dentelle qui allie le burlesque et le dessin, le dessin avec modèle. Une soirée assez hors norme et on s'est dit qu'on avait besoin d'une entrevue pour bien saisir qu'est-ce qui allait nous être proposé et c'est précisément ce qu'on va faire dans quelques instants. Pour une dernière fois, on revient à la collection de MPJV, toujours dans la sphère 8 bits. C'est la formation qui nous accompagnera au fil de l'émission d'aujourd'hui. Et pour commencer, ben, tel qu'annoncé, on se plonge dans un événement qui s'appelle Encre et dentelle, donc volume 2. On s'y plonge en compagnie de deux de ses organisateurs. Maxime Dubois, bonjour. Bonsoir Raymond. Jean-François Dorion, bonsoir. Bonsoir. Et eh ben justement, je le disais d'entrée de jeu, c'est un spectacle à multiples facettes et multiples volets. Donc d'un côté, il y a des performances burlesques, des performances dessinées, et de l'autre, le public va être invité également à faire du dessin d'après modèle vivant. Alors c'est un cocktail assez complexe, assez varié, assez riche. Comment peut-être on le présenterait? Donc j'ai donné des indices, mais peut-être Maxime, je te laisserai le soin de nous dire précisément là à quoi s'attendre demain. Ben, en fait, l'événement de demain, c'est principalement une performance burlesque. C'est vraiment, en fait, c'est plusieurs performeurs de Québec et de Montréal. Mais je vais laisser plus Jean-François en parler. C'est plus sa shop, le côté burlesque. Là. On va laisser là-dessus. OK. Ben, l'idée a parti de Betty Cayenne, qui est une autre productrice avec moi. Ça fait des années qu'on pensait promouvoir le burlesque à Québec. Et l'année passée, on a eu l'opportunité de s'associer avec Dr. Sketchy, qui est maintenant rendu les Sketchers de Québec, et le Festival de BD, afin de créer un concept nouveau à ce niveau-là pour le burlesque. On voulait mettre de l'avant le côté geek que on retrouve peu, parce qu'on a vraiment plus l'idée de femme fatale dans le burlesque en tant que tel. Fait qu'on on a essayé de trouver une idée à ce niveau-là là, pour le geek, pour tout ce qui est. Et ben, avec le Festival de BD, mais c'est venu de nous-mêmes d'aller plus vers ce style-là en tant que tel. Donc on avait du burlesque et des geeks qui ont envie de faire du burlesque, et là on les a croisés avec des dessinateurs. Oui, c'est ça. En fait, dans le contexte de l'événement de demain, il va y avoir les performeurs qui vont faire leur performance et certaines personnes vont faire également des pauses à travers leur performance, soit avant, soit après, soit pendant. Et pendant ce temps-là, on a deux dessinateurs invités, soit Guillaume Demers, qui est un dessinateur puis un auteur jeunesse à Québec, et Sandra Cardoba, qui est une autrice en résidence qui vient de France, qui vont faire équipe pour interagir avec les performeurs burlesques. Ça va être projeté sur un grand écran qui va être sur la scène. Ça, c'est pour la partie performance de l'événement. Donc, les gens qui ne dessinent pas sont invités à venir voir ça. Ça arrive pas souvent qu'on mélange le dessin et le burlesque. Ça arrive, en tout cas, à Québec, au moins une fois par année. Mais en fait, depuis 2012, ça fait trois fois, je pense, à peu près. Donc, c'est pas encore très fréquent. Ouais, c'est la troisième fois que ça va arriver. Mais c'est ça, il y a cette partie-là, puis l'autre partie, il va y avoir un événement une partie qui est immersive dans l'événement. C'est un atelier de dessin d'après modèle vivant qui va durer environ 30 minutes. À ce moment-là, les gens du public sont amenés à venir choisir en fait les modèles qu'ils veulent dessiner. Il va y avoir cinq modèles différents qui sont des performeurs burlesques qui vont prendre la pose. Ils vont présenter sept poses, dont deux qui sont des défis que je ne vous dévoilerai pas c'est quoi avant d'être à l'événement demain. Ça, c'est la formule vraiment des sketchers. On a l'habitude de proposer des défis pour soit mettre les dessinateurs dans l'embarras ou amener la créativité une coche plus loin que simplement dessiner les personnes qui sont devant nous. Pendant la partie qui est Sketcher Express, qui est une version raccourcie de nos événements habituels, les gens qui ne veulent pas dessiner vont quand même pouvoir observer comment ça se passe. Parce que c'est curieux, un atelier de modèle vivant. Les gens connaissent pas beaucoup ça. On en voit souvent dans les films, on en entend parler, mais comment ça se passe vraiment? Mais ça va être l'occasion de pouvoir le vivre un peu. Pendant ce temps-là, il y a en plus des gens de la salle, du public, qui vont pouvoir participer. Les deux dessinateurs invités vont également participer. Ça va être projeté sur écran pendant ce temps-là. Donc, on peut l'observer de loin, on peut l'observer de proche, on peut l'observer de plein de façons, puis on peut même participer si on veut. Donc, si j'essaie de résumer au maximum, dans le fond, on a un spectacle burlesque professionnel dans lequel il y a des interactions avec des dessinateurs professionnels. Et c'est un peu comme quand on va, par exemple, à des soirées swing, il y a un bout où on a une initiation, où on peut essayer ce que les professionnels font. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait essayer la partie dessin, pas la partie burlesque. Exactement. Donc, pour expérimenter avec ça. Et qu'est-ce qui fait peut-être la richesse du métissage, justement, entre le dessin puis le burlesque? Qu'est-ce qui fait que ça fait justement trois fois qu'on le répète et qu'on a envie de poursuivre un peu avec ce métissage-là? Bien, je dirais que c'est un peu un deux pour un, en d'autres termes. C'est vraiment deux shows qu'il y a en une soirée. Le côté dessin, on a vraiment des artistes BDistes qui sont vraiment exceptionnels. Fait que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sur écran nous amène c'est vraiment un spectacle à ce niveau-là qui est différent. Et la touche burlesque, mais rajoute encore plus à ce niveau-là là, de tout ce qui est visuellement agréable à voir. C'est 9 artistes. C'est déjà une bonne listening. Hommes, femmes mélangés aussi. On a à peu près égal hommes-femmes. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. ce qui est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Puis une chose qui est bien avec les modèles qui viennent des arts de la scène, c'est que contrairement à du modèle vivant classique, il y a des personnages, il y a du visuel, il y a des vêtements, il y a des éléments qu'on peut voir. Puis ceux qui sont moins à l'aise à dessiner les proportions humaines, ce qui est bien avec les vêtements ou ce qui en reste selon les feuillages, ben ça permet d'avoir des points de référence, puis ça permet de camoufler des fois des éléments qu'on est moins à l'aise à dessiner. Pour vrai, j'ai l'habitude avec les sketchers, parce que c'est moi l'organisateur des sketchers pour mettre en contexte, j'ai autant des débutants, des gens qui ne dessinent jamais, qui viennent participer aux événements, et autant des professionnels qui viennent. Donc tout le monde trouve un peu son compte, mais en même temps, c'est sûr que c'est un défi. Donc 30 minutes, c'est très court, ça se pourrait que certains ressortent de là en disant « Mais semble que j'en aurais fait plus. » Ben, il y a la possibilité de le faire dans d'autres contextes. Mais ça, vous le faites une fois par mois. C'est ça, on le fait déjà une fois par mois. Mais dans ce contexte-là, d'avoir des gens qui sont habillés, en règle générale, c'est plus facile à dessiner que des gens qui ne le sont pas, étrangement. Et à travers tout ça, en fait, tu parlais de personnages. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir et de fréquenter la scène burlesque, il y a une grande richesse de ce côté-là, en fait, une grande créativité sur le type de numéros, sur le type de costumes. Quand tu parlais de variété, une variété dans les performeurs, dans les types de personnalités, et j'imagine dans les types de numéros qui vont être présentés, donc dans les types de dessins qui vont être faits aussi. Exactement. Ben, je peux vous dire. C'est parce que le burlesque a plusieurs styles différents, comme le néo-burlesque, on parle de côté geek, on parle, il y en a qui vont vers l'horreur, il y en a qui vont vraiment femme fatale. À peu près tout peut se faire en burlesque en tant que tel, donc les styles sont vraiment variés. Ça dépend toujours de l'inspiration, ça dépend toujours aussi du thème de la soirée, ça marche souvent par des thématiques. Donc, c'est vraiment at large. On ne peut pas vraiment définir c'est quoi le style burlesque en tant que tel. Donc, pour la variété, on a le choix comme qu'on peut. Puis ce qui est bien avec l'événement de demain, c'est qu'on a divisé la soirée en deux volets. On a la BD jeunesse et la BD un peu plus adulte. Donc, il va y avoir des personnages qui viennent autant de l'univers BD jeunesse que tout le monde connaît, et l'univers un peu plus adulte, surtout dans l'univers de Marvel, qu'on se concentre. Mais tous les personnages vont avoir leur touche un peu plus osée. Donc, on va revisiter des personnages autant du côté... je vais vous donner des exemples, là, parce que vous aimeriez en entendre. Betty Boop, tout le monde connaît Betty Boop. Il va y avoir également Tintin. Puis d'autres personnages de Marvel. L'an dernier, on a eu beaucoup de personnages. Je veux pas spoiler plus que ça. Je vous en ai déjà nommé beaucoup. Mais l'an dernier, on a eu beaucoup de personnages très diversifiés. On a eu Poison Ivy. Ned Flanders. Imaginez Ned Flanders en mode striptease. C'est quelque chose qui s'est déjà fait. Ouais. Donc, il y a plusieurs possibilités. Puis c'est une autre façon de voir des personnages qui vous ont touché plus jeune. Puis que vous voyez autrement aujourd'hui. Oui, puis de voir en fait de quelle manière justement on réussit chez l'artiste à s'approprier le personnage et à amener les feuillages aussi, qu'il y a une certaine logique dans l'action qui va être amenée, puis de voir aussi, ben justement, si on passe d'un style à l'autre, d'un univers à l'autre, j'imagine que autant pour Sandra Cardona que pour Guillaume Demers, il faut s'adapter un peu au style qui est présenté. On dessinera pas un personnage Marvel de la même façon qu'on va aborder Tintin dans ce qu'on va proposer à l'écran. Exactement, puis il y a des personnages qui ne seront pas présents physiquement pendant l'événement, mais côté dessin, il y a rien qui empêche que n'importe qui de l'univers de ces personnages-là décide d'intervenir. Il faut considérer que le dessin nous permet, dans le contexte de cet événement-là, d'amener encore plus de choses avec un tout petit budget. Et comment se passe un peu l'adéquation entre les différents groupes d'artistes? En fait, j'imagine que les artistes burlesques ont préparé leurs numéros. Edresse, est-ce qu'ils ont envoyé des éléments aux dessinateurs? Est-ce que les dessinateurs ils vont plus avec les thématiques? Donc, je veux dire, parce qu'il y a du bon travail en amont autour de tout ça, là. Dans certaines performances, il y a vraiment des pauses qui sont prévues. Puis dans d'autres performances, il n'y a pas de pauses qui sont prévues. Au moment où il y a des pauses qui sont prévues, ben, je sais que je répète toujours la même chose, là. Au moment où il y a des pauses qui sont prévues, ben vraiment, à ce moment-là, les gens vont pouvoir observer du dessin d'après modèle vivant à ce contexte-là. Dans d'autres performances, c'est vraiment, on va jouer avec l'univers des personnages. Et on va faire du décor, on va faire d'autres personnages. Exactement. On va mettre des actions, créer des dialogues entre le dessin et la performance, etc. Exactement. Il y a un lien qui va se créer à ce moment-là, vraiment entre le dessin et la performance. Plus, ben, en fait, Au total, c'est toute une performance, mais soit on fait l'interprétation de la performance, ou soit on y va avec une complémentarité ou du détail par rapport aux poses qui sont proposées. Du côté des artistes burlesques, Jean-François, dans le fond, tu l'as mentionné, ça fait quelques fois qu'elle et ils en font avec du dessin. Elle et ils en font aussi sans l'apport de dessin. Est-ce que ça vient changer un peu leur relation avec la performance? Est-ce que c'est une dynamique qui les inspire particulièrement au-delà du sujet lui-même, au-delà des personnages et de la sphère BD qu'on met en scène? Bien, je veux pas parler pour eux, mais j'imagine que c'est un défi de plus pour eux en tant que tel, parce que c'est différent, mais l'essence même va rester. Par contre, de poser des 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, je sais que c'est très dur physiquement, donc c'est sûr que pour eux, c'est un nouveau challenge. Il y en a qui font Dr. Sketchy à Québec, pas à Québec, mais à Montréal, donc il y en a qui sont déjà habitués à poser, il y en a d'autres que ça va être une nouveauté. Je dirais en plus qu'il y en a deux artistes qui font des retours aussi cette année à notre spectacle, donc à ce niveau-là, c'est un autre défi pour eux aussi, là, qui n'ont jamais essayé, c'est sûr, certain. Et tout ça dans une atmosphère assez particulière aussi, puisque un peu comme à l'image de l'année dernière, c'est à la chapelle du Musée de l'Amérique francophone. C'est vrai, on n'en a pas encore parlé. Hein. C'est dans une chapelle qui est désacralisée, là, pour ceux qui sont inquiets. Là. Mais c'est un super décor. C'est vraiment, même juste pour venir voir la chapelle, ça vaut le coup. Mais dans le contexte d'amener du burlesque dans un endroit que toutes ces références qu'on connaît. C'est ça, l'histoire avec un passé religieux. C'est un peu aussi le pourquoi qu'on a choisi cette salle-là aussi. Justement pour, avec le burlesque, un peu de choquer un peu les mœurs. Mais ça fait partie aussi, je vous dirais, là, de la beauté du burlesque en tant que tel, de juste un petit peu choquer. On va s'amuser à cet endroit-là à découvrir. Donc, on le disait, 9 artistes au total. Donc, 2 dessinateurs, 6 artistes burlesques, 1 animateur. Non. En fait, il y a vraiment 9. 9 artistes burlesques, ouais. OK. Plus ouais. 2 dessinateurs. Exactement. Plus d'animateurs. Exactement. Oui. Donc vraiment, il y aura du monde sur scène. On parlait de variété, mais on peut voir en fait d'ailleurs sur la page Facebook d'événements un peu le listing de qui il sera, de quelle façon il reste. Dans le fond, c'est le lancement du festival. Donc pour la deuxième fois, on s'approprie ce concept-là et on le propose. J'imagine que vous êtes en plein dernier sprint pour que tout soit prêt pour demain soir. Là, ça s'en vient là. Oui. C'est sûr que présentement, ben, l'entrevue radio est très pertinente. Elle fait partie de l'équation. Mais en même temps, une fois que c'est fini, on continue de plancher là-dessus. Là. Ça finit jamais. À part demain, après le spectacle. Alors c'est évidemment, c'est 18 ans et plus. Je rappelle, donc c'est à la chapelle du Musée d'Amérique francophone à 20h, donc le samedi 6 avril. Et peut-être avant de te laisser, Maxime, je mentionne aussi que pour les sketchers de Québec, après avoir plongé justement et découvert peut-être l'expérience avec Encre et Dentelle, s'il y en a qui n'ont pas envie d'attendre à la prochaine rencontre des sketchers de Québec pour aller poursuivre l'expérience de sketching, il y en a une dimanche matin à la Maison pour la danse. Oui, ben en fait, dimanche matin, c'est le trait de danse. C'est la Maison pour la danse au 336 rue du Roi. Il va y avoir 2 modèles danseurs qui vont prendre des pauses. C'est vraiment à l'image de nos événements habituels, sauf qu'on n'est pas dans un bar. Donc, il y a du café. Bon, pas dans un bar et le matin. Et le matin, oui, c'est vrai aussi. Donc, ça va durer à peu près 1h30. Il va y avoir des pauses entre 1 et 10 minutes. Et il va y avoir quelques défis proposés pendant l'événement. Défis qui seront également récompensés. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne habituellement, notre formule avec les sketchers de Québec. Sinon, nos rendez-vous habituels sont les derniers dimanches du mois à 18h à la Ninkasi. Alors, donc, plusieurs invitations, mais pour l'essentiel, donc demain, oui. 20h. Allons-y avec ça et le reste suivra par la suite. Maxime Dubois, Jean-François Dorion, merci à vous deux. Merci vraiment. Merci à toi. Je rappelle donc que Jean-François et Maxime sont les organisateurs d'Encre et Dentelle. Donc, 2e édition qui aura lieu demain soir dans le cadre du Festival Québec BD. Raymond Poirier toujours avec vous et on poursuit un peu dans ce feu roulant côté émission qu'on essaie d'émuler peut-être un peu le feu roulant qui s'amorce aujourd'hui en route vers le Festival Québec BD 32e édition et ben, entre autres en fait il y a toujours des traditions incontournables et ben, l'idée de métisser, d'offrir des concerts ou des spectacles musicaux dessinés ben, c'est quand même un élément qui revient année après année après année et ben, on avait envie justement d'aborder le spectacle de la programmation qui correspond à cette description. Donc, ça s'appelle « Elle cherchait son Eldorado ». C'est présenté dans le cadre d'une soirée à multiples volets, samedi 13 avril prochain. Donc, il y a performance à 20h, à 21h. Donc, il y a ce spectacle-là et c'est suivi d'un DJ set de pop noir, donc le duo électro de Luke McGarry. Et donc, pour parler un peu d'elle cherchait son Eldorado, ben on a invité l'un des dessinateurs qui est avec nous au bout du fil, Richard Valrand, bonjour. Oui, bonjour, Raymond. Alors, Richard, en fait, on parle avec elle cherchait son Eldorado d'une aventure psychédélique dessinée. On s'inspire du dernier album de Millimétrique, Make It Last Forever. Peut-être d'emblée, d'où est venue un peu l'idée, l'amorce? Est-ce que c'est toi et Paul Bordelot qui avez été happé par la musique de Millimétrique? Est-ce que c'est Millimétrique qui vous a approché? Ou est-ce que c'est Thomas-Louis Côté qui a tout orchestré ça? En fait, c'est vraiment Millimétrique là qui nous avait dit qu'il était intéressé là de faire un projet semblable avec avec son dernier album. Là. Justement, je pense qu'il vient de sortir aujourd'hui une version étendue là, une version plus longue encore de cet album-là aujourd'hui. Puis ben c'est ça, on avait déjà travaillé Paul et moi avec lui sur différents projets là. Récemment, on a fait les comptes dessinés avec lui. Puis, mais c'est ça, on en avait discuté. Puis, c'est ça, on le connaît à cause de ces différents projets-là. Puis, ben c'est ça, il nous avait dit, on savait qu'il y avait ça, que ça l'intéressait. Autant on en avait parlé vaguement dans nos différents projets, mais sachant là, qu'il y avait le BD, on l'a proposé à Thomas Louis pour. On s'est dit, ah ben ça pourrait être une opportunité de le faire enfin ce concert dessiné-là. Avec la musique de Millimétrique. Donc, c'est concrétisé. et qu'est-ce qui, pour vous, j'imagine, en fait, le défi, c'est de prendre une musique électronique ambiante et de réussir à la transposer en image, voire à la transposer en récit? Ouais, ben c'est ça. En fait, en discutant là, avec Pascal de Millimétrique et avec Paul, on a décidé de donner une direction quand même à sa musique parce que il y a vraiment comme plein d'ambiance. Mais c'est sûr que parce qu'elle est allée récemment là dans des voyages aux États-Unis récemment, donc on sent que sa musique est vraiment inspirée là de ces voyages là. Puis on est parti d'une des chansons qui s'appelle Elle cherchait son Eldorado. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un genre de personnage qui est en espèce de quête mystique là. Mais évidemment, on se laisse vraiment beaucoup de portes ouvertes là, pour jouer avec cette imagerie là de moto, voyage, road trip là, Road 66, Texas, paysage du Nevada, ce genre de truc là. Et j'imagine que dans des contextes comme ça, on va puiser aussi dans sa propre expérience de voyage, de trajet. C'est des routes, c'est des espaces que j'imagine tu as déjà eu l'occasion de découvrir. Ben, oui, c'est vrai que quand on en discutait avec Millimétrique, ben c'est moi ça me rejoignait particulièrement parce que je l'ai fait la Road 66 il y a 2-3 ans et ben ça m'a vraiment vraiment beaucoup marqué. C'est sûrement un univers qui m'interpellait. Je pense pas il aime bien aussi toutes les westerns, tout ce genre de d'image là, ça l'interpellait vraiment beaucoup aussi là. C'est pour ça qu'il s'implique vraiment beaucoup aussi dans ce projet là avec son style de dessin là. Et justement, en fait, une fois qu'on a choisi l'impulsion, l'amorce, on faut réussir à happer, j'imagine, l'univers visuel qu'on a choisi d'aborder. Il faut réussir à donner une direction, qu'on ait l'impression que ça progresse, mais en même temps, qu'on réussisse à rendre la musique. J'ai l'impression que c'est comme un jeu d'équilibriste, en fait, un projet comme celui-là. Ouais, en même temps, je te dirais qu'on s'est vraiment donné beaucoup de latitude parce qu'on a vraiment envie de s'amuser cette soirée-là. On sait que c'est particulier parce qu'on ayant fait d'autres projets où c'était vraiment plus cadré, plus structuré parce qu'on partait de textes, de contes. On avait fait un projet aussi récemment avec un qui était un peu dans cette direction-là, c'est-à-dire vraiment mieux, plus encadré. Mais là, on voulait que la musique soit vraiment le personnage principal. Le but, c'est vraiment de se laisser porter par ça. C'est sûr qu'on se fait un petit storyboard avec Paul là, pour vraiment comme essayer de parce qu'il y a quand même un set, là, ça dure une heure, donc c'est une heure non-stop de musique et de d'illustration. Donc il y a déjà un set de musique de tune qui a été établi par Millimétrique. Puis on part de ça. Donc chacune des tunes va avoir un peu son des tableaux, va venir avec des tableaux différents. Donc qui va essayer autant que possible de venir compléter une histoire. Mais c'est sûr qu'on se laisse quand même beaucoup de portes ouvertes là, avec ça. Justement, on essaie d'intégrer. Tu sais, on a envie d'expérimenter, d'intégrer de l'animation un peu, jouer avec. Si on le fait vraiment de façon numérique. Dans ce cas-ci, un peu comme le spectacle dessiné qu'on a fait avec le texte de Fabien Cloutier, là, on a vraiment fait quelque chose de totalement numérique. Puis ça nous avait permis d'essayer des choses justement avec Photoshop, de jouer avec les différents layers, les différents calques, de jouer avec justement les différentes fonctionnalités là, de Photoshop. Donc c'est sûr qu'on va partir de ça. On va essayer de s'amuser d'expérimenter. Là. Et d'inviter, dans le fond, d'inviter le public dans cette aventure-là, dans l'imagerie américaine, qui a déjà en soi un grand, grand pouvoir d'évocation. C'est dans la psyché collective, on dirait, cet univers-là. Vrai, ben oui, puis étant dans la BD, beaucoup, il y a énormément de BD là, qu'on a aimé, qui est un petit peu dans cette imagerie-là. On pense un peu à Moebius, qui faisait justement du western, mais ou qui intégrait un élément un peu mystique là-dedans. Puis évidemment, en ce moment, ça s'épuise pas. Là, on regarde la BD française, il y a encore plein de titres qui sortent, qui sont dans l'univers là, du western. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'avec quelque chose comme ça, je pense qu'avec l'Ouest, le Far West, hein, on peut trouver quelque chose qui nous donne beaucoup de liberté, justement. Je pense que c'est ça qu'on a envie de retrouver. Puis c'est peut-être pour ça que ça rejoint les gens. C'est vraiment un synonyme de liberté puis d'émancipation, hein, quelque part. Là. Même si on sait qu'il y a un côté dangereux aussi là, qui vient avec ça. Et une occasion de voir et de revoir justement des performances live de dessin en direct sur ordinateur. Alors ben, on lance l'invitation donc le samedi 13 avril. La performance, oui. Elle cherchait son Eldorado, est à 21h, mais la soirée elle-même commence à 20h, donc vraiment exact. Une série d'activités et d'événements. Richard Valran, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à samedi. Bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Alors voilà, donc Richard Valran, qui est l'un des dessinateurs concepteurs donc de cette soirée. Je rappelle, il cherchait son Eldorado aux côtés de Paul Bordelot et avec la musique et la participation de Millimétrique. Donc le samedi 13 avril prochain, en soirée, c'est au Musée de la Civilisation. On poursuit toujours à la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, toujours dans la sphère du 9e art et toujours dans la frénésie de ce Festival Québec BD qui commence. J'en profite d'ailleurs pour vous mentionner que vendredi prochain, vendredi soir, il n'y aura pas d'émission de la vie en BD. Trop d'action au festival, on va être du côté plutôt de la remise des prix BDiste Causa. Mais par contre, on sera deux fois avec vous la semaine prochaine, donc le samedi et dimanche 13 et 14 avril, à partir de 13h30. Dans les deux cas, en direct du Salon du Livre et également dans vos oreilles au 89.1. On aura l'occasion de faire 6 belles rencontres à cette occasion. Alors, le 13 avril, on aura avec nous Abdel de Bruxelles, Émilie Plateau et Pierre Allary. Et le 14 avril, on aura l'occasion d'échanger avec Sylvie Rancourt, Luke McGarry et Maëlle Nonnet de l'édition, de maison d'édition Rockmout. Alors, on espère évidemment que vous soyez au rendez-vous à cette occasion, que ce soit sur nos ondes ou sinon en direct du Salon du Livre du Festival Québec BD, donc au Centre des Congrès de Québec. Alors cela étant dit, on plonge maintenant dans le prochain spectacle auquel on avait envie de s'intéresser tout particulièrement. Il s'agit d'une mise en lecture de Motel Galactique qui sera présentée le 13 avril à 17h30 à la Maison de la littérature. Et j'ai avec moi pour en jaser sa metteur en lecture, Élodie Cuneau. Bonjour. Bonjour. Alors ben, peut-être d'emblée... Motel Galactique, donc on est dans le contexte d'une bande dessinée. Évidemment, c'est un médium de narration visuelle. Donc, comment on fait pour prendre une BD et réussir à en faire une lecture? Eh bien, on s'assoit, on absorbe tout, on respire bien et après on se dit, ben, qu'est-ce que je fais avec ça effectivement? Parce que en plus, il faut le dire, Motel Galactique est une œuvre très foisonnante, donc il y a beaucoup de références. L'histoire part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de clins d'œil. Donc là, je me suis dit, ben, c'est pas possible de tout traduire verbalement. Donc je me suis dit, on va aller chercher le squelette de l'histoire et supporter la trame narrative avant tout. Donc ça m'a permis d'élaguer. Et après, j'ai été cherchée par la mise en scène, même si les comédiens ont encore leur texte en main. Là, c'est pas une pièce de théâtre, on s'entend, c'est une lecture, donc ils ont le texte en main. Qu'est-ce qui pourrait aller donner un petit support visuel pour apporter du sens, rassembler l'idée principale et guider en fait le spectateur. Donc ça a été aussi par l'ajout en fait d'accessoires. Donc j'ai été chercher, par exemple. Bon, il y avait aussi la commande, on m'avait proposé de faire ça avec deux comédiens. Donc la narration dans Motel Galactique part d'un homme, d'un clone qui cherche l'humain sur lequel il a été cloné à la base. Donc normalement c'était beaucoup du jeu, mais ce jeu était confronté à beaucoup de personnages. Donc là, j'avais un comédien et une comédienne, Sébastien Dorval et Geneviève Boivin. Donc je me suis dit, on va prendre la narration, on va déjà séparer ce qui est plus du personnel sur le personnage masculin principal, et Geneviève va intervenir pour préciser les anecdotes dites historiques. On reste dans la fiction, mais il y a beaucoup d'anecdotes historiques où oui, ben on est en 2714, donc il y a beaucoup de choses qui sont passées. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, je l'ai donné plus à portion, cette portion capsule référence à Geneviève, et également je lui ai donné le défi d'incarner une multitude de personnages. Et après, c'est ça, j'ai voulu typer donc ces personnages, parce que ça passe vite de l'un à l'autre, il voyage beaucoup avec son spatio-jet. Donc après, ça a été dans la voix, donc un travail très cartoonesque que Geneviève possédait à la base. Donc on a été pousser les voix, chercher qu'est-ce qui pouvait caractériser tel ou tel personnage. Puis ensuite, j'étais dans le choix d'un objet. Donc elle passe d'un objet à l'autre, qui serait comme, excusez le mot, un peu métonymique. Donc par exemple, une spatule va représenter un restaurateur, Elvis Presley, ça va être j'ai trafiqué une casquette avec des favoris. Donc pour réussir à comprendre quel personnage elle incarne rapidement. Pour pas tomber dans le narrativo descriptif qui plombe un peu le côté dynamique et très flyé proposé dans la BD. Donc l'atmosphère un peu... Oui, parce qu'il fallait réussir à la rendre, en fait. Parce que si on rentre dans quelque chose de sérieux, de carré, on perd ce qui fait le charme, dans le fond, de Motel Galactique. On perd l'âme de la BD. Puis je connais l'auteur, enfin, un des deux auteurs, puis j'ai pas envie qu'il vienne me voir avec les sourcils froncés, là. Non, mais oui, c'est important quand on confie une œuvre, c'est d'aller d'essayer de pas de la dénaturer, c'est ça, mais de la rendre accessible quand même. Donc voilà. Et à travers tout ça, il y a également une panoplie de références. Vous parlez d'une panoplie de personnages, une panoplie de références culturelles aussi, au terroir québécois, au reste. Donc, pour s'approprier tout ça également, et c'est foisonnant aussi de ce côté-là. Voilà, tout à fait. Moi, on m'a approché, puis on m'a dit, ah, ben, ça va être Motel Galactique. Je fais, ah, ben, c'est bon, j'ai déjà lu des œuvres de France Éternelle, La Guerre des Arts, Burka, tout ça. Puis je me dis, bon, c'est bon. Puis je lis l'œuvre, puis je fais, oh mon Dieu, il y a comme un bon 30 à 40%. Que je ne saisis pas. Donc j'ai dû me renseigner, en parler avec les comédiens aussi, mais toujours, c'était toujours l'idée de, est-ce que ça sert principalement la trame, est-ce que ça va perdre le spectateur ou pas. Puis il y a des choix qui ont été faits comme ça, et malheureusement il y avait aussi de très bons gags, mais qui ne pouvaient se traduire de façon narrative comme ça. Mais en même temps, c'est parfait, parce que nous, ça nous donne la possibilité de proposer quelque chose relié à cette œuvre, mais ça n'empêche pas les gens d'aller après, s'ils ont aimé ça, et qui ne connaissaient pas la BD avant, d'aller l'acheter, puis là, d'avoir en plus des bonus, on va dire, du coup, de découvrir d'autres punch. Oui, puis en même temps, c'est que ça crée, j'ai l'impression, une relation autre avec la mise en lecture. Dans le fond, si quelqu'un connaît bien la BD Motel Galactique, mais ça devient un peu une occasion d'aller voir qu'est-ce qu'une autre lectrice, dans le fond, et un groupe de lecteurs, lectrices, avec tes comédiens, avec ton équipe. Ouais. Mais qu'est-ce que vous en avez reçu et c'est quoi votre lecture, dans le fond, de Exactement. Ça? Exactement. Parce que, c'est, dans le fond, au bout du compte, l'adaptation, tu la ramènes à toi, tu la ramènes à l'équipe, puis c'est quoi pour vous, cette BD-là, et comment réussir à la rendre? Oui, c'est ça. Puis, ben, on dit bien le mot adaptation, hein. Ça veut dire que c'est passé par mon filtre à moi. Après, il y a eu aussi, effectivement, le filtre des interprètes. Donc c'est ça, il y a comme plusieurs personnes qui se mettent entre le lecteur, auditeur, puis comment l'auteur à la base. Donc comment ça a voyagé, c'est tout à fait, je pense, une démarche intéressante. On prendrait n'importe quel autre metteur en scène pour faire ça, probablement que ça donnerait autre chose, tout à fait. Et l'adaptation, autant que la mise en lecture, a déjà eu un peu son épreuve du feu, donc c'est pas votre première lancée dans le vide. Le 13, vous l'avez déjà fait à Rosemont, si je me trompe pas. Joliette, oui. Ouais. Et oui, donc devant un petit comité très attentif, ils ont beaucoup aimé ça, puis il y avait un auteur qui était là, mais par contre, je me souviens plus du nom, mais il a dit que justement l'exercice était très intéressant, puis que il avait justement aimé le côté avec les objets qui permettaient de switcher. Oh, je parle bien l'anglais, de passer d'une scène à l'autre assez rapidement et de pas être perdu. Donc bon, ça fait du bien des fois de se faire valider les choses, puis du coup, on a très hâte de le montrer aussi au festival. Oui, ben en fait, devant donc un public plus abondant, dans un autre contexte. Et en même temps, mais j'imagine que on est dans une approche de mise en lecture. Donc le texte est présent, mais en même temps, on réussit quand même aussi à rendre un esprit théâtral pour ceux qui, quand on parle de mise en lecture, oui, c'est bare bones, mais c'est pas. On a du mal à rester statique derrière le pupitre. Alors oui, il y a comme un petit effet de mouvement. Parce que trop figé ça, et puis vraiment c'est ça, quand on lit cette BD là, c'est ça qui en ressort. Moi je trouve que c'est foisonnant, ça bouge. Fait que juste l'idée de lire puis de les laisser statiques, je pouvais pas. Fait que là on a fait quelque chose. Bon, ça devient un petit peu plus périlleux pour les comédiens parce que là ils doivent prendre des morceaux de texte pour passer devant le pupitre. En tout cas, ça rend la tâche plus difficile, mais je pense que ça rend service. Ben, faudra me le dire après, en fait. Mais je crois que ça rend service un peu à ce qu'on voulait faire et au côté dynamique. Ouais. Et avec cette proposition-là, en terminant, c'est une première lancée. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais pousser plus loin pour éventuellement dépasser la mise en lecture? D'en faire une pièce de théâtre? J'y avais pas pensé. Faire d'autres mises en lecture, ce serait avec grand plaisir. Ouais, effectivement, ça m'a donné une piqûre. Ben, j'étais pas très loin du monde de la bande dessinée. Je fréquente des auteurs. On a fait l'impro BD. Puis moi-même, je suis une lectrice de BD. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais j'avais jamais osé me commettre, on va dire. Et oui, ça a un petit goût de reviens-y. Évidemment. Alors, ben, on invite les gens à aller faire cette première plongée avec toi, avec l'équipe. Donc, Geneviève Voisin, Sébastien Dorval, les comédiens, comédiennes. C'est le 13 avril à 17h30 à la Maison de la Littérature. Élodie Cuneau, merci beaucoup. Merci à toi. Et Élodie, je le rappelle, donc, fait la mise en lecture de ça tout d'après la trilogie Motel Galactique qui est publiée du côté des éditions Pow Pow. Donc, bande dessinée de Francis Desharnais et de Pierre Bouchard. We'll be right back. Et on est dans la dernière ligne droite de cette édition de La Vie en BD. Dernière ligne droite qu'on consacre à une dernière activité qui est présentée dans ce foisonnement du Festival Québec BD. Et cette activité, ben, c'est la prochaine rencontre des rendez-vous de la bande dessinée, des rendez-vous de la BD, qui est présentée également à la Maison de la littérature. Alors, le 10 avril prochain, Michel Giguère va recevoir Edmond Beaudoin. Et il est avec nous pour mettre la table en route vers cette belle rencontre. Michel Giguère, bonjour. Bonsoir à tous. Et Michel, en fait, à cette occasion, donc mercredi prochain, tu reçois Edmond Beaudoin. Et pour ceux qui ne le savent pas, Edmond Beaudoin est un grand nom de la bande dessinée dite d'auteur, qui emprunte un parcours alternatif et qui reste généralement méconnu d'une bonne partie du public. Alors, ben, je pense, en fait, pour mettre les cartes sur table dès le départ, là, peux-tu nous présenter ton invité du 10 avril? Oui, bien, Beaudoin, pour commencer, est originaire du sud de la France, de Nice plus précisément. C'est pas accessoire de mentionner ça puisque Nice est son arrière-pays dans les montagnes où Beaudoin passe ses étés depuis la petite enfance, sont très présents dans son œuvre. Il a publié énormément et pourtant il est venu à la BD relativement tard, dans la mi-trentaine, et crois-le ou non, jusque-là, il avait été comptable. Il faut lire un peu son œuvre qui est pleine de passion, de poésie, de sensualité pour rester très perplexe en se disant « Quoi, ce gars-là, il a commencé par être comptable? » Oui, c'est assez surprenant, sincèrement. Et justement, peut-être, qu'est-ce qui caractérise son œuvre? Eh bien, je dirais d'abord la prodigalité. Il a publié beaucoup, en fait, tellement que la soirée de mercredi va passer à toute allure. Je le sens, ça va être cruel. Depuis 15 ans, moi, j'ai préparé bien des rencontres, et certaines avec des bédistes qui avaient derrière eux une longue et fructueuse carrière, mais aucune œuvre m'a paru, comment je dirais, aussi insaisissable et même incommensurable que celle d'Edmond Beaudoin. Incommensurable sur le plan quantitatif, mais aussi qualitatif, parce que c'est une œuvre qui est plurielle et en même temps qui est unique. Paradoxalement, l'ensemble du corpus de Beaudoin démontre autant de cohérence que de diversité. Cohérence ou cohésion, d'une part, parce qu'il a un style graphique affirmé, éminemment distinctif, et aussi parce qu'il a une personnalité forte, on le sent. Et puis, diversité, d'autre part, parce que Beaudoin explore. Il a exploré son médium sur les plans formels, narratifs, esthétiques, avec la même curiosité qu'il a exploré le monde, en fait. Oui, j'imagine, en fait, que ses voyages ont nourri sa production, ont débouché sur des albums, sur des projets. Oui, dont, entre autres, trois réalisés à quatre mains avec un autre BDiste, Troubs, qui ont été réalisés à chaud sur le terrain, et des terrains très particuliers. Ils se sont d'abord tous les deux rendus au cœur de, bon là, pardonnez mon espagnol, Ciudad Juárez, à la frontière du Mexique et des États-Unis, qui est réputée être une des villes les plus dangereuses de la planète. Un autre projet du même type les a amenés en Colombie, où c'est pas beaucoup plus reposant. Évidemment, on sent dans ces albums-là, comment je dirais, la fatalité hein, chez les locaux qui vivent sous la domination du narcotrafic dans les deux cas. Mais ces espèces de carnets de voyage évitent la lourdeur parce que ils reposent sur un concept tout à fait sympa, c'est-à-dire que pour entrer en contact avec la population locale, eh ben les deux BDistes leur offrent de dessiner leur portrait en échange de quoi les gens leur confient tantôt un de leurs rêves, tantôt un souvenir. Et ça, ben, ça apporte de l'espoir aux albums. Viva la vida se passe au Mexique. Il y a Le goût de la terre, donc, qui est en Colombie. C'est les deux que tu viens de nous parler. Et la troisième collaboration entre Beaudoin et Troubs se passe pas très loin de chez Beaudoin, à la frontière franco-italienne. Oui, pour l'album Humain, l'autre, entre guillemets, évolue pas dans son environnement exotique. Il est plutôt débarqué chez soi, c'est-à-dire que les bédistes vont à la rencontre de migrants économiques, des réfugiés venus d'Afrique principalement, et qui gravitent par l'Italie pour rentrer en France et qui sont stationnés à la frontière. Mais c'est encore le même principe d'aller vers des gens d'une autre culture par l'entremise des portraits. Tu sais, le dessin, c'est magique, hein? Ça fascine, ça délie les langues et finalement, ça ouvre bien des portes. Alors, on pourrait dire, en fait, à travers ce que tu nous dis, que Baudouin s'inscrit en quelque sorte dans le courant, dans la mouvance des BD de reportage ou de témoignage. Mais je trouve assez révélateur et cet élément sur lequel tu mets l'emphase, qui est au cœur de sa démarche, au centre de sa démarche, le portrait. Le portrait revient un peu comme un leitmotiv, d'ailleurs, tout au long de sa biographie, à commencer par l'album intitulé simplement Le Portrait, qui est l'album qui a contribué à le faire connaître. Oui, au point qu'on pourrait désigner Baudouin sous le titre de portraitiste autant que de BDiste, en fait. Le portrait, c'est un de ses thèmes de prédilection, je dirais avec celui des femmes et puis de la danse. Trois thèmes qui, parfois, se fondent et se confondent. Il a beaucoup réfléchi à la démarche du portraitiste, notamment à travers des albums comme, bon, Le Portrait, tu l'as mentionné, aussi Jean de Clamecy, Le Vertige ou Les Yeux dans le mur, qu'il a réalisé pendant son séjour au Québec, pour lequel, en passant, la jeune femme qui a posé comme modèle est créditée au scénario. Baudouin, à ce sujet-là, écrit, ouvrez les guillemets, « Un portrait, c'est toujours un autoportrait. Le modèle éveille en nous quelque chose de nous. Ça ne peut pas en être autrement. L'autre reste un inconnu, toujours. » Il y a aussi son album « L'Abbé », qui constitue en fait un portrait de l'abbé Pierre. Et Baudouin a consacré par ailleurs un album à sa mère, un autre à son frère, un album à chacun de ses grands-pères. Ses amours l'ont aussi beaucoup inspiré. Je pense aussi à l'album Le Vertige. Baudouin raconte l'origine de ce projet-là dès la première planche. On voit le scénariste Frédéric Debomy qui lui dit « Je viens te voir avec un scénario et puis toi, tu veux faire mon portrait. » Et Baudouin lâche une réplique qui m'a saisi. Il répond « Oui, je n'ai plus assez de temps avec ce qui me reste à vivre pour jouer avec de la fiction. » Alors, c'est dire toute la valeur que Baudouin accorde au portrait à la connaissance de l'autre, dans le fond. Et ça s'applique aussi peut-être aux étrangers, autant aux étrangers qu'à ses proches, comme tu viens de le faire remarquer. Baudouin a l'air attaché à sa famille comme au coin de pays d'où il est originaire. Et en fait, à la limite, son attachement aux racines semble aussi fort et aussi important pour lui que son intérêt pour l'ailleurs et pour l'autre. Tout à fait. Tiens, je vais suggérer aux auditrices et aux éditeurs une lecture pour ressentir son attachement à son patelin et une autre pour la famille. Dans Le chemin de Saint-Jean, il nous invite tout simplement à gravir à ses côtés un sentier qui lui est cher. C'est un album de randonnée finalement. Et en même temps, il nous invite à suivre le cours de ses réflexions sur la vie, sur sa vie à lui, sur ses liens, sur son séjour au Québec, entre autres. Et par ailleurs, dans Pierrot, il nous fait pénétrer vraiment au sein de la bulle d'intimité enfantine qu'il a connue avec son petit frère, avec qui il entretenait, enfin, une relation presque fusionnelle. Dans Pierrot, d'ailleurs comme dans Le chemin aux oiseaux, qui est un autre merveilleux album, la mise en scène et le ton placent le lecteur, la lectrice, à hauteur d'enfant, tout près du sol, même pour ce qui est des cadrages. Et on verse dans l'infini de l'imagination des enfants. C'est touchant et moi, ça m'a vraiment saisi. Et tout à l'heure, Michel Giguère te fait allusion à un séjour au Québec. Edmond Baudouin a enseigné pendant 3 ans à l'Université du Québec en Outaouais dans le programme de BD de l'École multidisciplinaire de l'image. Exact. Au début des années 2000. Il évoque son séjour chez nous dans Le chemin de Saint-Jean, je l'ai dit, et aussi dans Les yeux sur glace. Ou est-ce qu'il en parle un peu plus longuement, il le met en image, mais ça reste assez flou, assez vaporeux, comme tu sais, c'est pas un vrai récit de son voyage comme tel. Il est assez discret là-dessus. Et sinon, dans la bibliographie de Baudouin, on compte nombre de carnets de dessins. Il y a des recueils qui mêlent illustrations et séquences de bande dessinée. Il y a illustré des récits jeunesse autant que des romans pour adultes. Il a adapté un conte de Perrault en bande dessinée, Peau d'âne. Il a multiplié aussi, par ailleurs, les créations en tandem. Oui. Et en fait, on le voit, hein, quand je disais que c'était une œuvre qui était multiple, il a fait toutes sortes de choses. Et ses collaborations, c'est principalement avec des personnes extérieures au milieu de la BD. L'écrivaine de polar, Fred Vargas, la romancière Bénédicte Heim, la réalisatrice et scénariste de films documentaires Mireille Hanon, et le mathématicien Cédric Villani, qui est une figure très connue et médiatique en France, pour qui la vulgarisation de la science semble être vraiment une priorité. Et avec 2 albums très consistants, Les rêveurs lunaires et plus tard Balade pour un bébé robot. Cette collaboration-là avec le mathématicien amène Baudouin là où on l'attendait vraiment pas, du côté de la science, puis de la science-fiction. Les rêveurs lunaires, pour un, constituent en quelque sorte là un recueil de portraits, et oui, on y revient, des portraits encore, de quatre scientifiques du milieu du 20e siècle qui ont marqué notre monde. Et moi, qui suis pas très versé dans les sciences, pourtant, j'ai dévoré cet album-là. C'est vraiment plein d'émotions. Ça marie contenu scientifique, dimension historique, psychologique aussi, puisque le lecteur a accès aux pensées des protagonistes, et même aussi une dimension philosophique, notamment autour de l'éthique. Et pour ce qui est de Balade pour un bébé robot, c'est vrai qu'on n'imagine pas trop Baudouin faire de la science-fiction, en fait. Et pourtant, ça lui va très bien, hein, la science-fiction. Les planches sont somptueuses. Bon, évidemment, on parle pas de science-fiction conventionnelle, puisque ça reste du Baudouin avec sa patte si particulière. Je dirais qu'avec la Balade pour un bébé robot, on nage dans le pur imaginaire, mais il y a quand même, comme dans Les rêveurs lunaires, son autre étonnante collaboration avec le mathématicien Villani, il y a une intention de vulgarisation, presque de pédagogie. Et Michel, en fait, pour conclure, qu'est-ce qui ressort de ton mois d'immersion dans l'œuvre d'Edmond Baudouin? J'ai senti très fort l'envie de raconter, le souci de témoigner, le goût de dessiner pour le seul plaisir du dessin, comme en témoignent les recueils de dessins auxquels tu as fait allusion, que Baudouin généralement relie par un fil narratif ou réflexif. C'est le cas de sa toute dernière publication, qui s'appelle « Le corps collectif », qui est un beau titre, mais qui est avant tout le nom d'une troupe de danse à Paris que Baudouin a traqué du regard, littéralement, pendant 7 ans, pour tenter de capturer le mouvement. Il allait s'asseoir dans un coin là, de la salle, et puis il est dessiné en train de répéter et de danser. J'ai aussi senti le besoin, chez Baudouin, d'explorer les potentialités du médium BD, mais ça, c'est un aspect qui va être plus intéressant à aborder là, mercredi soir prochain, avec des planches qui vont être projetées sur grand écran. Une rencontre qui, assurément, s'annonce extrêmement riche, avec un personnage, un auteur et un humain extrêmement riche également, pour l'avoir déjà rencontré. Michel Giguère, merci beaucoup. Oui, je suis un petit peu fébrile à l'idée de rencontrer ce grand être humain, comme tu dis. Je peux comprendre. Et salut, salut bien. Et je lance l'invitation, je rappelle les dates. Donc, le 10 avril à 19h à la Maison de la littérature. C'est gratuit. Premier arrivé, premier assis. Alors, ben nous, c'est ainsi qu'on conclut cette édition de La vie en BD. La semaine prochaine, je le rappelle, donc vendredi soir, on n'est pas en ondes ici à CKRL. On sera plutôt dans les activités du festival. Mais le samedi 13 et le dimanche 14, de 13h30 à 14h30, on est en ondes à CKRL et en direct du Centre des congrès de Québec pour le Festival Québec BD. Donc, 6 belles rencontres à vous proposer, entre autres avec Pierre Allary, avec Émilie Plateau, avec Abdel de Bruxelles, avec Luke McGarry, avec Sylvie Rancourt et avec l'équipe des éditions Roquemoute. Et on sera de retour à l'horaire habituel le vendredi 19 avril prochain. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Un plaisir, évidemment, d'être avec vous cette semaine, comme à l'habitude, ici au 89.1.